Chapitre 93. La Bretagne et ses grands hommes. Un des défenseurs de la France pendant la guerre de Cent Ans, du Guesclin. Le tournoi est la première victoire de du Guesclin. Sa captivité et sa rançon, sa mort. En temps de guerre, les gens d'église, les femmes, les enfants et le pauvre peuple ne sont pas des ennemis. Ils doivent être sacrés pour l'homme de guerre. Signé du Guesclin. Un jour que Franz était assis sur un tas de cordages à côté du vieux pilote, Julien s'approcha, son livre à la main. « Qu'est-ce que tu lis là, petit ?» demanda l'oncle Franz. « Mon oncle, je lis ce qu'il y a dans mon livre sur la Bretagne et sur les grands hommes. Nous sommes justement encore en face des côtes de la Bretagne, et il me semble que c'est un beau pays. »« Certes, » dit l'oncle Franz, « mais voyons, lis tout haut. »« Et lis bien, » ajouta le père Guillaume, « nous t'écoutons. » La Bretagne a donné à la France beaucoup d'hommes vaillants. Parmi eux, on remarque du Guesclin. « Oh, je connais ce nom-là, » dit Julien en s'interrompant. J'ai vu en passant à Nantes la statue de du Guesclin. Du Guesclin naquit en 1314 près de Rennes, l'antique et belle capitale de la Bretagne. Du Guesclin était laid de figure, il avait un caractère intraitable, mais il était plein de courage et d'audace. Dès l'âge de 16 ans, il trouve moyen de prendre part, sans être connu, à un de ces combats simulés, qu'on appelait tournoi, et qui était une des grandes fêtes de l'époque. Il entre au milieu des combattants avec la visière de son casque baissée, pour n'être reconnu de personne, et terrasse l'un après l'autre 16 chevaliers qui s'offrent à le combattre. Au moment où il terrassait son dernier adversaire, celui-ci lui enlève son casque du bout de sa lance et on reconnaît le jeune Bertrand du Guesclin. Son père accourt à lui et l'embrasse. Il est proclamé vainqueur au son des fanfares. Après s'être ainsi fait connaître, du Guesclin entra dans l'armée et commença à combattre les Anglais, qui occupaient alors une si grande partie de la France. Il remporta sur eux une série de victoires. Par malheur, un jour il se trouva vaincu, et fut fait prisonnier. Le prince noir, fils du roi d'Angleterre, fit faire bonne garde autour de lui, et on le tint en prison à Bordeaux. Il languit ainsi plusieurs mois. Un jour le prince le fit amener devant lui. « Bertrand, dit-il, comment allez-vous ? » « Sire, par Dieu qui créa tout, j'irai mieux quand vous voudrez bien. J'entends depuis longtemps, dans ma prison, les rats et les souris qui m'ennuient fort. Je n'entends plus le chant des oiseaux de mon pays, mais je l'entendrai encore quand il vous plaira. »« Eh bien, dit le prince, il ne tient qu'à vous que ce soit bientôt. » Et le prince essaya de lui faire jurer de ne plus combattre pour sa patrie. Bertrand refusa. On finit par convenir que Bertrand du Guesclin recouvrerait sa liberté, en payant une somme énorme d'argent pour sa rançon. « Comment ferez-vous pour amasser tant d'argent ? » dit le prince. « Si besoin est, répliqua Bertrand, il n'y a femme ou fille en mon pays sachant filer, qui ne voudrait gagner avec sa quenouille de quoi me sortir de prison. » On permit alors à du Guesclin d'aller chercher lui-même tout cet argent, sous le serment qu'il reviendrait le rapporter. Du Guesclin quitta Bordeaux, monté sur un roussin de Gascogne, et il recueillit déjà, chemin faisant, une partie de la somme. Mais voilà qu'il rencontre de ses anciens compagnons d'armes, qui eux aussi avaient été mis en liberté sur parole, et ne pouvaient trouver d'argent pour se racheter. « Combien vous faut-il ? » demanda Bertrand. Les uns disent 100 livres, les autres 200 livres, et Bertrand les leur donne. Quand il arriva en Bretagne à son château où résidait sa femme, il avait donné tout ce qu'il avait. Il demanda alors à sa femme de lui remettre les revenus de leur domaine, et même ses bagues, ses bijoux. « Hélas, répondit-elle, il ne me reste rien, car il est venu une grande multitude de pauvres écuyers et chevaliers qui me demandaient de payer leur rançon. Ils n'avaient d'espoir qu'en moi, et je leur ai donné tout ce que nous possédions. » Du Guesclin serra sa femme sur son cœur. « Tu as fait tout comme moi, lui dit-il, et je te remercie d'avoir si bien compris ce que j'aurais fait moi-même à ta place. » Alors Bertrand se remit en route pour aller retrouver le prince noir. « Où allez-vous loger ? » lui demanda celui-ci. « En prison, monseigneur, » répondit Bertrand. « J'ai reçu plus d'or, il est vrai, qu'il n'était nécessaire pour me libérer. Mais j'ai tout dépensé à racheter mes pauvres compagnons d'armes, de sorte qu'il ne me reste plus un denier. Par ma foi, avez-vous vraiment été assez simple que de délivrer les autres pour demeurer vous-même prisonnier ? Oh, sire, comment ne leur aurais-je pas donné ? Ils étaient mes frères d'armes, mes compagnons. » Du Guesclin ne resta pourtant point en prison. Peu de temps après son retour, on vit arriver aux portes de la ville des mulets chargés d'or. C'était le roi de France qui envoyait la rançon de son fidèle général. Du Guesclin put donc recommencer à combattre pour son pays. Il chassa successivement les Anglais de toutes les villes qu'ils occupaient en France, sauf 4. Du Guesclin était déjà vieux, et il combattait encore. Il assiégea la forteresse de Châteauneuf de Randon, située dans les montagnes des Cévennes. Le gouverneur de la ville promit de se rendre, mais Du Guesclin mourut sur ses entrefaites. La ville se rendit néanmoins au jour fixé, et on apporta les clés des portes sur le tombeau de Du Guesclin, comme un dernier hommage rendu à la mémoire du généreux guerrier. Julien, dit l'oncle Franz, tu as très bien lu cette histoire, mais je veux à présent que tu nous dises à Guillaume et à moi ce que tu en penses. Mon oncle, je pense que ce Du Guesclin était un bien parfait honnête homme. Cela, dit l'oncle Franz, ce n'est pas difficile à trouver, Julien. Mais voyons, explique-nous pourquoi. Lire n'est rien, comprendre ce qu'on lit est tout. Julien réfléchit, et après un petit moment qu'il employa à mettre ses idées en ordre, il répondit. D'abord, mon oncle Du Guesclin était très brave, et aimait beaucoup sa patrie. Ensuite, il était plein de compassion pour les autres, puisqu'il songeait plus à ses compagnons qu'à lui-même. Et enfin, ajouta le petit Julien, en regardant son ami Guillaume, il savait si bien tenir sa parole, qu'il revint de lui-même se remettre prisonnier, après avoir dépensé sa rançon pour la liberté de ses camarades. « Allons, Julien, dit l'oncle Franz, tu lis avec profit, mon enfant, puisque tu comprends bien tes lectures. Tâche de ne pas les oublier à présent, car rien n'encourage mieux à devenir un honnête homme que de se souvenir des belles actions de ceux qui ont vécu avant nous. » La Bretagne, avec ses côtes de granit et ses îles rongées par les flots, renferme une population courageuse de marins. Elle compte de nombreux ports de mer parmi lesquels on distingue les villes importantes de Nantes, 120 000 habitants, Brest, 80 000 habitants, Lorient, 40 000 habitants, Vannes, Saint-Brienne, Saint-Malo, Quimper. L'ancienne capitale est Rennes, située sur l'île Ella-Vilaine, 50 000 habitants. La ville la plus importante du Maine est Le Mans, 47 000 habitants, connue pour ses toiles et ses poulardes. Laval, 30 000 habitants, fabrique aussi beaucoup de toiles. Dans l'Anjou, Angers, 60 000 habitants, fabrique des tissus de tout genre et fait un grand commerce d'ardoises. Tours, 45 000 habitants, fabrique des soieries. Un tournoi au Moyen-Âge. Les tournois, mot qui vient de tournoyer, étaient au Moyen-Âge de grandes fêtes publiques et militaires, où l'on simulait des combats. Tantôt, deux chevaliers se précipitaient l'un sur l'autre pour rompre une lance, et cherchaient à se renverser. Tantôt ils faisaient semblant d'assiéger une place, tantôt ils se jetaient tous les uns contre les autres, représentant une mêlée furieuse. Après le tournoi, des prix étaient décernés aux vainqueurs par les dames. Du Guesclin, né en 1314 près de Rennes, mort en 1380. Il fut le grand lieutenant du roi Charles V, qui aimait peu la guerre, mais qui, grâce à Du Guesclin, put défendre la France contre les Anglais et en reconquérir la plus grande partie.